Exercice 5, page 104. A. Une soirée dansante? B. Tu ne peux pas en prendre. C. J'habite chez mon oncle. D. Je vais à Hong Kong. E. Ce n'est pas son genre. F. Je crois qu'ils s'en vont.